feed variety. Garçons et dames, bonsoir, ici DDN dans Le Vide Relatif sur Rage, l'émission où on essaye toujours d'écouter de tout en essayant toujours de ne pas écouter n'importe quoi. Vous savez quoi ? Il y a des labels de CDR à Hong Kong. Hong Kong, vous savez, c'est à peu près à l'autre bout du monde. En face, là, enfin, pas tout à fait, en face, c'est vraiment l'Australie, mais bon. Disons Hong Kong, ça fait loin quand même. Le label s'appelle Loka Records. En ce moment, ils sortent des CDR de 3 pouces, mon format favori, comme vous le savez. Et leur dernière sortie, c'est Weltrome, un groupe italien. L'EP s'appelle Trome Trauma. Et évidemment, on va écouter Trome. Ah oui, j'avais oublié, commencer une émission de musique par un morceau de 9 minutes, c'est interdit. Bah, qui c'est qui a dit que c'était interdit exactement ? Le morceau suivant est une reprise d'un groupe dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, Griff. La reprise est faite par un groupe dont je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler, qui s'appelle The Austrian Goat. Vous n'en avez jamais entendu parler pour la bonne et simple raison que je fais partie des 5 personnes qui ont reçu le disque, puisque ce disque n'est pas encore sorti. Enfin, sorti, c'est un bien grand mot, puisque 213 Records, le label considéré, tire à environ 50 exemplaires les jours de grand vent, ce qui ne signifie pas que ces productions sont de mauvaise qualité comme vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite. C'est The Austrian Goat, I Hate the Human Race, et on va dire que c'est du sludge. We'll be right back. Ça faisait bien un bon moment que j'avais pas entendu quelque chose d'aussi bien qui vienne de France. C'est presque aussi bien que le groupe précédent de ces braves gens qui s'appelait Shall Not Kill. Vous vous rappelez Shall Not Kill? Je vous en avais passé l'année dernière. Je vous avais dit que le groupe allait splitter, c'est fait. Et je vous avais dit qu'ils allaient partir vers de nouvelles aventures, c'est fait également. Vous avez entendu, le robot il vous explique que Rage, c'est 88.3. Bon, pour le moment, il a raison, mais en début d'année prochaine, ça va passer uniquement sur le web Rage. Et ben, ça sera pas plus mal. Alors ce soir, je suis dans les transitions. Alors je vais vous en faire deux d'affilée. La première, c'est que, à propos de web, vous pouvez contacter l'émission sur les forums de Rage, forum.rage.fr, il y a un topic Rage, émission d'Arles, il y a un topic Le vide relatif. Et ça, c'est l'émission. Et attention à la deuxième transition, le morceau suivant, c'est un morceau de Shall Not Kill, dont on a parlé il y a 20 secondes. Thank you. je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a fort à parier que si ces gens étaient nés dans un pays civilisé c'est un pays où on parle anglais, enfin en matière de musique c'est le cas, eh ben ils auraient déjà percé, ils seraient en tournée, ils auraient sorti des albums, ils seraient sur Revelation Records, moralité, ils ont splitté, ils ont laissé derrière eux quelques albums sortis uniquement en CDR qui sont tous vachement bien, et c'est 213records.free.fr, voilà. Je sais, j'ai l'air un peu remonté sur la scène musicale française, j'en suis tout à fait désolé. Je vous rappellerai juste que les Tugs, un groupe de hardcore des années 90, a été obligé de s'exporter aux États-Unis pour être signé sur Alternative Tentacles et passer en première partie de genre Face No More, genre Neurosis, vous voyez ce genre de groupe-là, aux États-Unis. Parce qu'en France, ils faisaient la première partie de personne, ils jouaient tout seuls, enfin ils jouaient pas, bref. Ouais, mais nous, en France, c'est vachement bien, dans la Star Academy. Super. Bon. Et en Allemagne, ils ont 12 Rec. 12 Rec, j'en passe à toutes les émissions. J'ai reçu tellement de disques de chez eux, ils sont tous tellement bien que je crois que je vais en passer à toutes les émissions, toute l'année. Eh ouais. Voilà, c'était M. Grund, ça s'appelait, que je retrouve mes notes, Induvish, pardon. Et si vous trouvez ça un peu agaçant qu'on passe du métal et puis après de l'électronica, vous allez qu'à retourner faire un tour sur Skyrock. Skyrock, c'est pas mal. 65 de quotient intellectuel cumulé pour tous les animateurs de la station. Formidable. Bon, c'est d'accord, j'arrive pas à faire une émission sans qu'il y ait au moins un truc qui tabasse dedans. Ceci dit, j'arrive pas non plus à faire une émission sans qu'il y ait au moins un truc franchement bizarre dedans. Bah ça, c'est maintenant. C'est Emily Hay et Marco Fernandez. C'est sorti sur Amanita. Il y a un petit moment déjà. Au fait, ne posez pas la question, oui, tout l'album est comme ça. Enfin, c'est peut-être même le morceau le plus accessible de l'album, celui-là. À propos de questions, moi j'en ai une pour vous. J'arrive pas à savoir si ce que je passe est écouté par quelqu'un, si ce que je passe est aimé par quelqu'un, si ce que je passe sert à quelque chose autre qu'à me faire plaisir. Alors si vous avez des commentaires à ce sujet, vous pouvez aller sur forum.rh.fr et me laisser un petit message. Si vraiment vous êtes timide et que vous voulez pas parler en public, j'ai même un mail. C'est levidrelatif@hotmail.fr. Quand tout à l'heure j'ai dit que le quotient intellectuel moyen des animateurs de Skyrock était de 65, vous m'avez peut-être trouvé un peu raide. Bah c'est parce que vous m'avez pas bien écouté, j'ai pas dit moyen, j'ai dit cumulé, c'est à chacun ils doivent avoir 0,25 de quotient intellectuel, pas 65, ça serait bien sinon. Faut pas oublier que c'est grâce à des antennes comme Skyrock que des sommités intellectuelles telles que par exemple Arthur, au hasard, ont réussi à voir le jour. Et je suis bien certain que c'est sur certaines radios dites libres qu'on passe le plus d'un truc qui s'appelle Travis. Vous savez, Travis, c'est un groupe de pop absolument immonde qui ressemble à Coldplay ou des horreurs du même genre. Alors moi, j'en ai un de Travis pour vous. Eh ben, c'est pas du tout ça. Pas du tout, du tout. Thank you. Et voilà, c'était Travis, il s'appelle aussi Travis, il a pas de bol, il vient des États-Unis, du Montana, me semble-t-il. Il sort des albums sur Reality Impaired, le plus petit label de CDR que je connais, c'est le plus underground, ils ont même pas de site internet, c'est pour dire. Et Travis, il fait du blues un peu déjanté, un peu alcoolisé, un peu comme vous avez entendu. On peut reprocher beaucoup de choses à l'ère des cultures digitales, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de permettre la collaboration entre artistes. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est un mismatch mix remix fait par, accrochez-vous, je prends mon souffle, Moon, Margrave Rudiger, Trombone et The Guy Who Invented Fire. Ça s'appelle Vostok Vladivostok. Certains groupes, ils ont un nom, faut quand même oser, hein. Genre, si vous vous appelez Very Expensive Porno Movie, bon courage pour vous faire distribuer. Même si ce que vous faites, c'est vraiment très bien et c'est un peu chaos, jazz, core, machin, core. Bien, très bien. We'll be right back. zresztą mi się nie śmieje, ani dupy nie ma, ani płac nie ma i już, już jeden najgory razlog, to frczy. Frczy, a? Pekajte się to. Myślisz, że jako szuszka to frczy, tak? Tak. Oj. To mnie najgory gdzieńskie frfery. A Natalie? Natalie, nie znam. A bił kino? Vi. Šta, ovako ili? I nju i Laru. I nju i Laru bio kino? Da. A šta, poslije tri pive ili onako, odmah? Odmah. Odmah? Da. A šta, bi Natali normalno ili u dupe? Ne znam. Kako bi ti rekao, isprobao bi prvo jedno, pa drugo, pa onda bi vidio koju bi, a bi isprobao bi i na različite načine. Prvo u dupe, pa onda u gu... onda u piću. J'ai pas vraiment une idée très précise d'où ça sort, cette affaire. Je crois que c'est tchèque. J'ai reçu ça sur une compilation DVD que m'a envoyé un label tchèque. Alors c'est pour ça que je dis que c'est tchèque. Mais il y a quelque chose comme, j'en sais rien, peut-être 200 MP3 sur le truc. Ils sont pas tagués, ils sont pas étiquetés, on sait pas de quel album ça sort. Alors voilà, je vous le livre tel que. C'était Very Expensive Porno Movie. Moi ça m'a bien plu, je sais pas vous. Right. 88.3 pour plus très longtemps, comme vous le savez. J'espère que quand ça sera un petit peu diffusé sur le web, j'aurai un petit peu des commentaires. Pour l'instant, on va se mettre un petit peu d'ambiance. Bah oui, il en faut bien, c'est comme le reste, faut de l'ambiance dans la vie. C'est Paranoid Foundation, ça s'appelle Negative Fold. Thank you. Ah là là, je m'ai trompé. Il s'appelle pas Negative Fold le morceau, il s'appelle A Meeting. Negative Fold, c'est le titre de l'album qui est sorti sur leur propre label, qui est plutôt bien dans l'ensemble, enfin quand on aime l'ambiance, parce que c'est vraiment, vraiment ambiant quoi, hein. Ce qui suit, c'est de la salsa. Non, je déconne. Enfin, c'est ce que j'aime le plus qui se rapproche de musique un peu groove. Ça s'appelle Dear Oaf. C'est sorti sur Mutant Incorporated, un label anglais qui sort plein de psyché et plein de trucs rigolos dans le genre de ce que vous allez entendre. C'est marrant comme le fait d'avoir une chanteuse japonaise, ça vous place tout de suite dans la Japanese pop, pratiquement quel que soit le style de musique dans lequel vous officiez. Alors comme ça, vous aimez vachement le générique de l'émission. Bah ouais, c'est Margrave Rudiger, c'est un petit gars rémois qui travaille avec son frère jumeau, qui lui fait trombone, et tous les deux, ils font les performances live les plus hilarantes que j'ai jamais vues. Ils s'engueulent sur scène, c'est à mourir de rire. Alors, comme quoi-t-il, vous aimeriez bien avoir cette mélodie-là comme sonnerie pour votre portable? Ça va pas, non? Sans déconner. Tiens, j'ai décidé qu'à partir de cette émission-là, on va essayer de donner des petites news. En v'là une grosse de news. Le nouvel album d'Ultra Milkmaids vient de sortir sur Anzen. Bon, Anzen, c'est plutôt pour vous si vous êtes le genre gothique avec les lunettes de soudeur et les bottes en latex. Bon, mais par contre, Ultra Milkmaids, Genre rock expérimental des années 80, genre Zizit, excellentissime. Donc j'en passe, sitôt que j'ai reçu le disque, ce qui devrait pas tarder. Et si j'ai l'inspiration, je ferai une spéciale sur les Ultra Milkmaids, un groupe qui existe depuis plus de 10 ans, qui est français, que vous connaissez pas, qu'est-ce que c'est dommage. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous retrouve dans une quinzaine. D'ici là, je vous laisse aux mains de Pfaff, Try This At Home, sur Narrow-Minded, le label hollandais. Jump.